Seigneur Torquemada, horloger de Tolède. Torquemada, c'est moi, monsieur. Ma montre à chaque instant s'arrête. Voilà qui va des mieux, voilà qui va des mieux. Or, je suis à votre service, muletier du gouvernement. Connaître l'heure exactement, en conséquence est mon office. Car chaque jour, à heure fixe, mes mulets doivent sur leur dos emporter les colis postaux. Voyons la montre. Elle est de style. Oui, c'est un bijou de famille. Mon oncle, le coréador, par elle fut sauvé des cornes de la mort. Aux arènes de Barcelone, alors que le taureau fonçait. Cette montre en son gousset le préserva du coup de corne. Mais si le monstre par la montre fut arrêté, c'est à présent la montre qui s'arrête. Nous allons donc la démonter.